remonter le temps des années. Et on dispose. Thank you. C'est parti pour la basse. Allez, fais-moi péter les riffs de basse. c'est simple, mais j'arrive pas. Mm-hmm.